إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، comme cela a été annoncé, le sujet que je vais aborder aujourd'hui concerne le fondement le plus important et le fondement le plus immense par lequel se distingue le prêche des gens de la sunnah. Et ce fondement est le fait de commencer par le tawhid et d'accorder au tawhid une importance capitale, aussi bien dans le prêche et l'enseignement que dans la mise en pratique. Et ce car le tawhid est la base fondamentale de la croyance islamique. Et c'est la base fondamentale de la religion et du prêche du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sans cette base, sans le tawhid, aucune œuvre du serviteur ne pourra lui être profitable. Car les œuvres ne peuvent être valides et acceptées que si elles sont basées sur la croyance saine qui est la croyance du tawhid. Il est donc impératif pour celui qui espère le paradis et celui qui espère être sauvé du feu de l'enfer d'apprendre le tawhid et de le mettre en pratique. Car il n'y a pas de voie menant au paradis si ce n'est par cette voie. Donc, lorsque l'on sait cela, on a envie tout d'abord de savoir qu'est-ce que le tawhid? Qu'est-ce que signifie ce mot? Il se peut que certaines personnes ignorent qu'est-ce que signifie le mot tawhid. Donc le tawhid, c'est un mot qui pourrait être traduit en français par l'unicité et qui désigne le caractère de ce qui est unique. Donc ce qui est visé par le tawhid, c'est le fait de croire, de reconnaître, d'affirmer l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans tout ce qui lui est spécifique. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est unique, aussi bien dans ses noms et ses attributs, que dans sa seigneurie, qu'il est le seul à créer, le seul à administrer tout dans cet univers, à donner la vie, à donner la mort. Il est donc par conséquent le seul endroit d'être adoré. Donc appeler au tawhid, cela signifie appeler à vous un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Appeler à l'adorer seul sans associé. Et appeler à mécroire en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous aurez donc compris que ceci est le sens même de « La ilaha illallah », cette parole immense par laquelle l'homme entre en islam et sort de l'obscurité de la mécréance. « La ilaha illallah », c'est le premier pilier de l'islam. C'est sa base et son fondement. Et cette parole est d'ailleurs appelée la parole du tawhid, la parole de l'unicité. Car lorsque tu dis « La ilaha illallah », qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que tu renies tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que tu affirmes que l'adoration est un droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. La ilah, cela signifie il n'y a pas de Dieu. C'est-à-dire, il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré. Illallah, sauf Allah. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul en droit d'être adoré. Et tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, même si cela est appelé Dieu ou divinité, ce sont de faux dieux et de fausses divinités qui ne méritent en aucun cas d'être adorés. Tel est le vrai sens de la ilaha illallah, qui est la parole du tawhid et la parole par laquelle on entre en islam. Et c'est à cette parole et à tout ce qu'elle implique que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a appelé tout au long de sa mission prophétique. Et plus particulièrement, durant les 10 premières années à la Mecque, avant même que les autres rites de l'islam, comme la prière, ne soient légiférés. Et c'est la première chose à laquelle Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné d'appeler son peuple. Ceci te montre donc l'importance de l'appel au tawhid, et l'importance de commencer par le tawhid en premier, et ce avant toute chose, comme l'a fait notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et même tous les prophètes avant lui. En effet, l'ensemble des prophètes et des messagers alayhimus salatu wassalam ont tous été envoyés pour appeler au tawhid, rappeler à vous un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ce sujet dans les versets 25 de Surat al-Anbiya: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ. Et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager sans lui révéler: nul n'est en droit d'être adoré en dehors de moi, adorez-moi donc. Tous les prophètes et les messagers, alayhim salatu wassalam, de Nuh jusqu'à Muhammad, alayhim salatu wassalam, ont été envoyés pour dire à leur peuple: U'budullah ma lakum min ilahin ghayruh. Adorez Allah, vous n'avez pas de vrai Dieu en dehors de lui. Telle est donc la base de l'appel de tous les prophètes, alayhim salatu wassalam. Ils suivaient tous la même voie dans leur prêche. Ils appelaient tous au tawhid, car le tawhid est d'une importance primordiale. Et pour vous assurer de cela, lisez par exemple Surat Al-A'raf ou Surat Al-Shu'ara et les autres surat du Coran dans lesquelles les récits des prophètes nous sont mentionnés. Vous constaterez par vous-même que la base de leur prêche est une base unique. Ils appelaient tous au tawhid. Ils ont tous dit: oh mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas de vrai Dieu en dehors de lui. Ceci nous démontre donc que l'appel au tawhid est la voie qu'il incombe d'emprunter dans l'appel à Allah. Pour appeler à cette religion, il est indispensable de commencer en premier lieu à appeler au tawhid. Car c'est le message principal qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de transmettre à tous ses prophètes et ses messagers alayhim salatu wassalam. On comprend donc que ceux qui ne donnent pas d'importance au tawhid, qui n'appellent pas au tawhid, qui n'enseignent pas le tawhid, ou pire encore, qui négligent l'appel au tawhid sous divers prétextes et qui prétendent que la communauté aurait d'autres priorités, alors cela, ils s'opposent à la voix des prophètes et des messagers alayhim salatu wassalam. On trouve beaucoup de gens aujourd'hui qui reprochent aux gens de la sunna le fait qu'ils ne cessent de parler de tawhid et d'enseigner le tawhid, d'enseigner le livre de l'unicité, d'enseigner les trois fondements et ainsi de suite. Et ils prétendent que les gens de la sunna ne se préoccupent pas des injustices que subissent les musulmans en différents endroits à travers le monde de la part des ennemis de cette religion. Certains parmi eux disent: qu'avez-vous à être encore en train d'enseigner ces livres alors que les musulmans ici et là sont persécutés, d'autres sont enfermés, d'autres sont expulsés de leur pays, ainsi de suite. La réponse à cette ambiguïté, elle est très simple, inshallah ta'ala. Tout d'abord, comme on l'a mentionné, le tawhid est la base de la religion. Donner de l'importance au tawhid revient donc à donner de l'importance à la base de l'islam, à la base de notre religion. Et il n'y a pas de doute que ceci doit être la priorité de tout croyant. Sur quoi vas-tu fonder ta religion si tu n'as pas de base? Est-ce que c'est possible de construire une maison sans fondation? Si la base est absente, le reste sera forcément absent. Donc la priorité de tout croyant, cela doit être de donner une importance capitale à l'apprentissage et la concrétisation du tawhid. Ensuite, comme nous l'avons vu, l'appel au tawhid était l'appel de tous les prophètes et tous les messagers, alayhi salatu wassalam. C'est donc un honneur pour le croyant de suivre la voie des messagers et de donner de l'importance au tawhid en lui donnant la priorité dans le prêche, tout comme l'ont fait les messagers, alayhi salatu wassalam. Nous avons les meilleurs des modèles en cela. Et en réalité, si tu observes la situation concrète de beaucoup de gens dans le domaine de la prédication, tu verras que tout prêche qui n'est pas basé sur l'appel au tawhid est un prêche qui est voué à l'échec. Un prêche qui ne portera aucun fruit et qui n'aura aucun résultat profitable. Même s'ils ont des milliers ou des centaines de milliers de suiveurs, ou des milliers de vues ou d'abonnés comme l'on dit à notre époque, s'ils ne donnent pas d'importance à l'appel au tawhid et qu'ils mettent de côté le tawhid dans leur prêche, alors leur prêche n'aura aucun réel profit. Mais toutes ces vues, tous ces abonnés, etc., ils s'éparpilleront comme l'écume de la mer. Tandis que le prêche de celui qui se concentre sur l'appel au tawhid et qui donne à cet appel sa juste valeur, alors celui-ci aura un prêche profitable, inshallah ta'ala. Car ce à quoi il appelle les gens les mènera au bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Et ceci ne veut pas dire que les gens de la sunna ne donnent pas d'importance aux affaires des musulmans et que nous ne sommes pas touchés par ce qui leur arrive. Bien au contraire, tout croyant est touché par ce qui arrive à ses frères à travers le monde. Car, Comme il est venu dans le hadith, les croyants ne sont qu'un seul corps. Mais cette compassion et cette tristesse ne doivent pas nous pousser à enfreindre les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala et à nous opposer à la voie des messagers alayhi salatu wa salam. Il n'y a aucun intérêt à passer son temps à parler de politique ou à remplir les réseaux sociaux de cris ou de plaintes ou même de lamentations, al-iyadu billah, si nous n'empruntons pas la voie droite qui nous permettra de remédier à cette situation. Nombre de groupes, parmi les groupes des gens de l'innovation et de l'égarement, prétendent que le remède à la situation actuelle serait que les musulmans s'investissent politiquement, qu'ils fondent des partis ou des associations ou je ne sais quoi. Et il ne fait aucun doute que ceci est contraire à la voie des gens de la Sunna. Le véritable remède à la situation de faiblesse que nous vivons à notre époque, c'est de commencer par s'interroger au sujet des causes qui ont conduit les musulmans à cette situation. Quelles sont les causes qui ont permis aux ennemis de cette religion de prendre le dessus sur les musulmans dans de nombreuses contrées? La réponse à cette question, comme l'a mentionné l'éminent cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, selon le sens de ses paroles, est que si tu observes la situation du monde islamique, tu verras que nombre de ceux qui s'affilient à l'islam ne sont pas réellement cramponnés à l'islam. Nombre d'entre eux ne sont musulmans que de nom, sauf ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait miséricorde. Beaucoup d'entre eux ont une croyance corrompue. Combien sont ceux qui s'affilient à l'islam et qui adorent les tombes et les mausolées? Combien sont ceux qui s'affilient à l'islam et qui invoquent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les morts, les sorciers, les walis ou autres? Combien sont ceux qui s'affilient à l'islam et qui font des sacrifices pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme pour les djinns, pour les morts ou pour les sorciers? Combien sont ceux qui délaissent la prière? Combien sont ceux qui n'acquittent pas la zakat? Combien sont ceux qui délaissent les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et mènent une vie dans laquelle il n'apparaît de leur religion que le nom, al-iyadu billah? Certains même parmi eux se disent musulmans non pratiquants. Est-ce que ces gens-là ont besoin qu'on les appelle à la politique ou qu'on les appelle au tawhid? Est-ce que ces gens-là ont besoin qu'on leur rapporte et qu'on leur donne nos avis et nos opinions sur tous les événements qui se passent à travers le monde? Ou bien ils ont besoin qu'on leur enseigne le tawhid? Et pose-toi également la question, si ces gens-là s'investissaient dans la politique et qu'ils avaient le pouvoir, la situation des musulmans serait-elle meilleure aujourd'hui? Wallahi, la plus grande cause qui a conduit les musulmans à cet état de faiblesse n'est que leur négligence du tawhid. Nombre de personnes sont tombées dans différentes formes de polythéisme majeur. Ils font du shirk et ne le réprimandent pas et ne se l'interdisent pas. Pire encore, certains pensent même que le shirk est un moyen de se rapprocher d'Allah. Et cela est la plus grande calamité. Ils invoquent autre qu'Allah et ils pensent se rapprocher d'Allah. Ils invoquent les morts, les mausolées, et ils pensent que cela le rapproche d'Allah, wal'iyadu billah. Telle est donc la cause qui a conduit la communauté à cet état de faiblesse. Wallahi, si nous revenions tous à notre religion comme il se doit, que nous apprenions tous le tawhid et le mettions en pratique, et que nous étions tous cramponnés au câble d'Allah sans nous diviser, nous n'aurions jamais connu cet état de faiblesse. Allah subhanahu wa ta'ala a dit au verset 55 de surat An-Nur, « Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilu s-salihat » لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait les bonnes œuvres qu'il leur donnerait la succession sur terre comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés. Il donnerait force et suprématie à leur religion qu'il a agréée pour eux et il leur changerait leur ancienne peur en sécurité. Quelle est la condition pour profiter de tous ces bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala promet aux croyants dans ce verset? Il dit ensuite « Ya'budunani la yushrikuna bi shay'a » « Ils m'adorent et ne me donnent aucun associé » Allahu Akbar « Ils m'adorent et ne me donnent aucun associé » Ce verset nous démontre très clairement que la condition essentielle pour obtenir la force et la suprématie est de concrétiser le tawhid en vouant un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala et en délaissant toute forme de polythéisme. Médite bien sur le fait qu'il n'a pas seulement dit il m'adore, mais il a bien précisé il m'adore et ne me donne aucun associé. Car l'adoration, elle n'est d'aucun profit pour son auteur si elle est mêlée au shirk. Si un homme est assidu à ses cinq prières obligatoires, qu'il prie la nuit, qu'il fait le rawatib, qu'il jeûne les lundis et les jeudis, qu'il fait des aumônes à longueur de journée, qu'il fait le pèlerinage tous les ans et la umra plusieurs fois dans l'année, mais qu'en parallèle de cela, il se rend auprès de la tombe de tel ou tel wali et l'invoque en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et fait des sacrifices pour ce wali, lui adresse ses demandes. Celui-ci, toutes ses œuvres sont rendues vaines et ne lui seront d'aucun profit. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son humble livre, « La in asharakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min al-khasirin. » Si tu fais du shirk, si tu donnes un associé à Allah, quel qu'il soit, même si c'est un prophète, un ange, un homme vertueux ou toute autre chose, si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine, réduite en poussière, et tu seras certes du nombre des perdants. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Donc le shirk, il consiste à vouer une quelconque adoration à autre qu'Allah, que ce soit une invocation, un sacrifice, une prosternation ou tout autre parmi les adorations. Et quiconque voue une adoration à autre qu'Allah a certes commis du polythéisme majeur, et s'il meurt sur cela sans s'en repentir, alors il ne sera pas pardonné, le paradis lui sera interdit, et son refuge sera le feu de l'enfer, wal'iyadu billah. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ce sujet au verset 48 de Sourate An-Nisa, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. En dehors de cela, il pardonne à qui il veut. Et il a dit, subhanahu wa ta'ala, au verset 72 de Sourate Al-Ma'idah, Innahu man yushrik billah, faqad harrama Allahu alayhi al-jannah, wa ma'wahu an-nar, wa ma lidh-dhalimin min ansar. Quiconque donne un associé à Allah, Allah lui interdit le paradis. Et son refuge sera le feu, et pour les injustes, il n'y aura pas de secoureur. Telle est la rétribution de celui qui commet le contraire du tawhid, qui est le shirk, qui donne des associés à Allah. Donc on voit à travers cela qui sont ceux qui veulent réellement le bien pour les musulmans et pour la communauté. Est-ce ceux qui les appellent à la politique et à s'investir dans des systèmes qui s'opposent à notre religion? Ou bien ceux qui les appellent au tawhid, ce tawhid qui leur permettra d'obtenir la force et la suprématie et le soutien d'Allah, ainsi que le bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Chers frères et sœurs, il ne fait aucun doute que ce dont les musulmans ont besoin est de revenir à leur religion comme il se doit. Et ceci ne peut se réaliser que par la concrétisation du tawhid, par l'apprentissage du tawhid et la mise en pratique du tawhid. En effet, ce tawhid, c'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Il dit subhanahu wa ta'ala au verset 56 de Sourate Adh-Dhariyat, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Que pour qu'ils m'adorent, comme l'a dit Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, cela signifie que pour qu'ils me vouent un culte exclusif dans l'adoration. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne t'a créé que pour que tu l'adores en lui vouant un culte exclusif dans l'adoration. Et si tu concrétises cela, que tu te consacres à ce pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé, alors tu trouveras un bien-être que nul parmi les gens ne peut ressentir en dehors du vrai mouahid, du vrai monothéiste. Celui qui voue un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, sa poitrine est épanouie. Il vit une bonne vie, quelle que soit sa situation. Il se peut qu'il subisse des épreuves. Mais malgré cela, il sait qu'en adoptant le bon comportement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceci sera un bien pour lui. Donc, il ressent toujours ce bien-être dans son cœur, car il se consacre à ce pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé. Regardez notre situation durant le mois de Ramadan. Ne ressentez-vous pas un bien-être que vous ne ressentez pas tout au long de l'année? Pourquoi? Car pendant le Ramadan, tu jeûnes, tu pries la nuit, tu fais des efforts dans la lecture du Coran, dans les œuvres de bien, et ainsi de suite. Tu te consacres donc à la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé, qui est de lui vouer un culte exclusif dans l'adoration. C'est pour ça que tu ressens ce bien-être. Puis, lorsque le mois est terminé, Nombre d'entre nous sont dominés par la paresse, le suivi des passions, des désirs, ainsi de suite. Et on retombe dans l'insouciance, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner les manquements. Mais ce bien-être que tu ressens, tu peux l'atteindre tout au long de l'année, en te consacrant à ce pourquoi Allah t'a créé. Wallahi, si le polythéiste savait ce bien-être que ressent le monothéiste dans son cœur, il ne tarderait pas à entrer dans cette religion. Car eux, ils vivent une vie pleine de gêne, pleine d'angoisse, pleine de malheur, pleine de tristesse. Même s'ils ont une situation aisée financièrement, même s'ils sont comblés de nombreux bienfaits parmi les bienfaits de ce bas monde, ils ne sont pas heureux. Alors que le muwahhid, le croyant musulman qui voit un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, il vit une vie heureuse, quelle que soit sa situation. Et ceci fait partie des plus grands bienfaits du tawhid. Alors que dire quand on sait que le tawhid comprend d'autres bienfaits qui sont très nombreux et qu'on ne pourra pas tous citer ici. Mais on va faire allusion à quelques-uns d'entre eux, inshallah ta'ala. Parmi les bienfaits du tawhid, il y a le fait que celui qui le concrétise obtiendra la sécurité et sera bien guidé. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, au verset 82 de Surat al-An'am, « Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. » Ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par une quelconque injustice, ceux-là ont la sécurité et ce sont eux les bien guidés. Lorsque ce verset a été révélé, les compagnons radiyallahu ta'ala anhum se sont interrogés au sujet de cette injustice. Ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par une quelconque injustice. Et ils ont dit, ô messager d'Allah, qui parmi nous n'est pas injuste envers lui-même? En effet, nous faisons tous des péchés, et les péchés sont une injustice de la personne envers elle-même. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a alors dit, ce n'est pas cela qui est visé, mais c'est le shirk. L'injustice, c'est le shirk. N'avez-vous pas entendu la parole de Luqman qui a dit à son fils en l'exhortant, « Ya bunay, la tushrik billah, inna shirka la zulmun azim. » Ô mon fils, ne fais pas de shirk, ne donne pas d'associé à Allah, car certes le shirk est une injustice immense. Donc on voit dans ce verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala a promis à ceux qui concrétisent le tawhid et s'écartent de toute forme de polythéisme majeur ou mineur, qu'ils auront la sécurité ici-bas et dans l'au-delà, et qu'ils seront bien guidés ici-bas et dans l'au-delà. Et ceci fait partie des bénéfices du tawhid, des mérites du tawhid, de ce dont pourra profiter celui qui concrétise le tawhid. Et la part que tu obtiendras de cela sera semblable à ta part de concrétisation du tawhid et de ta sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala et de ton éloignement du shirk sous toutes ses formes. Plus tu concrétiseras le tawhid, plus tu bénéficieras de cette sécurité et plus tu seras guidé. C'est pour cela que tu vois le croyant monothéiste, comme on a dit, il est celui qui se sent le plus en sécurité ici-bas. Et il est celui qui jouira de cette sécurité dans l'au-delà. Médite sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au verset 103 de Surat al-Anbiya, lorsqu'il a dit subhanahu wa ta'ala au sujet des monothéistes, « La yahzanuhumul faza'ul akbar » وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. La grande terreur ne les affligera pas. La grande terreur qui va affliger l'ensemble des créatures au jour de la résurrection ne va pas affliger les monothéistes, ceux qui ont concrétisé la foi, qui ont concrétisé le tawhid et qui se sont écartés du polythéisme. La grande terreur ne les affligera pas et les anges les accueilleront. Voici le jour qui vous a été promis. Allahu Akbar. Voyez les mérites du tawhid qui permet aux serviteurs d'obtenir cette sécurité ici-bas et dans l'au-delà. Également parmi les mérites du tawhid et qui nous démontre son importance et l'importance de commencer par cela et l'importance de le concrétiser, l'importance de toujours y appeler. Il y a le fait que celui qui concrétise le tawhid, qui voit un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala dans ses paroles et dans ses œuvres, et qui s'écarte de toute forme de polythéisme dans ses paroles et dans ses œuvres, alors il obtiendra un mérite immense, qui est le pardon de ses péchés entre lui et Allah, aussi nombreux soient-ils. Il est venu dans le hadith authentique, rapporté par At-Tirmidhi rahimahullah ta'ala, d'après Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a dit, C'est-à-dire que c'est un hadith qudsi. Ô enfant d'Adam, si tu viens à moi avec l'équivalent de la terre en péché, l'équivalent de la terre en péché, vous imaginez ce que ça représente? Si tu viens à moi avec l'équivalent de la terre en péché, mais que tu me rencontres alors que tu ne m'as donné aucun associé, je viendrai à toi avec son équivalent en pardon. Allahu Akbar. Je viendrai à toi avec son équivalent en pardon. C'est-à-dire que le tawhid, c'est une cause de pardon des péchés. Le fait d'attester que la ilaha illallah, que nul n'est en droit d'être adoré, sauf Allah, et de concrétiser cela, cela te permet de te voir pardonner tes péchés. Cette parole, la ilaha illallah, au jour de la résurrection, elle aura un poids immense au point de l'emporter sur l'ensemble des péchés. Comme cela est venu dans le hadith, celui qui viendra au jour de la résurrection avec des registres longs à perte de vue, remplis de péchés, qui seront posés sur un pesant de la balance. Puis, il lui sera remis cette carte sur laquelle il est écrit « La ilaha illallah ». Et elle sera posée sur l'autre pesant et l'emportera sur les registres des péchés. Ceci te montre donc l'importance de cette parole, l'importance de la comprendre, l'importance de la concrétiser. Car celui qui va bénéficier de cela, c'est celui qui a concrétisé le tawhid, qui a mis en pratique ce qu'implique cette parole, et qui s'est éloigné de toute forme de polythéisme. Car le polythéisme, comme on l'a vu, il ne sera pas pardonné. On a mentionné la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans surat al-Nisa. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un quelconque associé. C'est-à-dire que celui qui meurt en ayant commis du shirk et qui ne se repent pas avant de mourir, il ne sera pas pardonné. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Il pardonne en dehors de cela à qui il veut. C'est-à-dire que le muwahhid, même s'il a fait des péchés qui sont nombreux, mais qu'il n'a donné aucun associé à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala peut le pardonner. Voyez donc l'importance d'apprendre le tawhid. Le tawhid qui est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs. Tu as donc besoin d'apprendre le tawhid afin de pouvoir t'acquitter de ton devoir envers Allah subhanahu wa ta'ala et lui donner son droit comme il se doit. C'est pour cela que tout croyant se doit de faire des efforts dans l'apprentissage du tawhid afin de pouvoir le concrétiser et également l'apprentissage du shirk de ses différentes formes afin de pouvoir s'en écarter. Car tu ne pourras pas concrétiser cela sans l'apprentissage de la science. Nombre de personnes tombent dans le polythéisme en raison de leur ignorance. Car ils ignorent ce qu'est le tawhid et ils ignorent ce qu'est le shirk. Il nous est donc ordonné d'apprendre ce qu'est le tawhid. Médite sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au verset 19 de surat Muhammad, lorsqu'il dit « Fa'alam annahu la ilaha illallah ». Sache donc que nul n'est en droit d'être adoré sauf Allah. Tu dois savoir cela. Et ceci ne doit pas se limiter à une connaissance superficielle. Tu ne dois pas penser que tu as compris que Allah est unique, qu'il est le seul en droit d'être adoré, et que cela est suffisant. Non. Tu as besoin sans cesse d'apprendre les détails du tawhid afin de pouvoir le concrétiser. D'apprendre les détails du shirk afin de pouvoir t'en écarter. Tu apprends de manière générale le sens du tawhid, les catégories de tawhid, le sens du shirk, les catégories de shirk, et ainsi de suite. Mais de manière détaillée, tu dois apprendre comment concrétiser cela dans ton quotidien. Comment vouer mon espoir à Allah seul en dehors de tout autre que lui? Comment vouer ma peur à Allah seul en dehors de tout autre que lui? Comment placer réellement ma confiance en Allah et ne pas placer ma confiance en autre que lui? Comment vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, aussi bien dans mon cœur que par ma langue et que par mes œuvres? Tout ceci nécessite de la science. Et également, tu dois apprendre les détails de son contraire, les détails du shirk. Apprendre qu'est-ce que le polythéisme majeur, qu'est-ce que le polythéisme mineur, quelles sont leurs catégories, comment les éviter, et ainsi de suite. Et tu ne dois pas te laisser tromper par ceux qui disent « le tawhid est une chose simple et elle s'apprend en quelques minutes ». Ceci sont des choses connues. Comme nombre de personnes, lorsqu'on les appelle au tawhid, ils te disent « ceci sont des choses connues ». Et malheureusement, bien souvent, les cours sur le tawhid, ce ne sont pas les cours qui attirent le plus de personnes. Et ce car nous n'avons pas le sens des priorités. Médite sur le fait qu'Ibrahim alayhi salam, l'imam des monothéistes, celui qui a cassé les statues de sa main, il avait peur du polythéisme. Et il invoqua Allah subhanahu wa ta'ala en disant « Wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam » et « Écarte-moi ainsi que ma descendance de l'adoration des idoles. » Ibrahim alayhi salam. Alors que c'est un prophète qu'il est préservé du polythéisme, il fait cette invocation. Ibrahim al-Taymi rahimahullah ta'ala un des savants parmi les savants des tabi'in, des disciples des compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Lorsqu'il a lu ce verset, il a dit: et qui peut se sentir à l'abri après Ibrahim? Est-ce que toi, tu te sens à l'abri? Est-ce que tu penses que tu es à l'abri du shirk? Est-ce que tu penses que tu as une connaissance parfaite du tawhid et que tu l'as concrétisé? Nul parmi nous n'est à l'abri. Il est donc nécessaire pour chacun d'entre nous de faire de grands efforts dans l'apprentissage du tawhid afin de pouvoir le concrétiser et de profiter de l'ensemble de ses bienfaits. Et également d'apprendre ce qu'est le shirk afin de pouvoir s'en écarter et se préserver de l'ensemble de ses méfaits. Et pour cela, je vous invite à multiplier la lecture de livres et l'écoute de cours au sujet du tawhid, en commençant par les écrits concis, à l'exemple des écrits de l'imam Muhammad ibn Sulayman al-Tamimi rahimahullah ta'ala, comme al-usul al-thalatha, les trois fondements, ou encore les quatre règles, les annulatifs de l'islam, et son célèbre livre, Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité, qui est, comme l'ont mentionné les savants, un des meilleurs livres écrits à ce sujet. Je vous invite donc à revenir à ces ouvrages, et vous pouvez également retrouver sur le site annasiha.com un séminaire que j'ai donné l'an passé, intitulé Le Tawhid avant tout, dans lequel vous retrouverez l'explication concise et résumée de quelques écrits du cheikh à ce sujet. Et également, vous pourrez retrouver sur le site une explication simplifiée du livre de l'unicité. On va donc s'arrêter là, inshallah ta'ala, bien que nous pourrions encore parler de nombreuses heures au sujet du tawhid, au sujet de son importance, au sujet de ses bienfaits, au sujet de ses mérites et également au sujet du shirk, de son danger, de sa gravité et de ses méfaits. Mais on va se contenter de ce que l'on a mentionné ici, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.